Ok. Écoute. Monsieur Bors. De la double 05, patrimoine du ghetto. Écoute. Hey. 1, 2 pour le fric et pour le flow. Monsieur Borsalino prend le mic, les yeux mi-clos. Nick le beat, show, style shit, Smirnoff. Monte le son et kiffe le style qu'on offre. Hey. J'attrape le flash de whisky et trinque à nos succès. Le rap et moi, c'est le Luciano et Maerlanski. Sur tous les canaux, ici ou ailleurs, on reste qui. Brûle Panam Parano comme Montana ou Soprano Tony. Il reste qui? Personne après que j'ai remonté le score. T'as plus qu'à baisser le stores. Mais qui tord l'intru, t'as aucune chance d'aller au titre. C'est le truc, on t'éflon. Lyrical John Gonti, les plombs sautent. Fais les gros tics derrière la vie de Saint-Tin. Le jour du massacre de la Saint-Valentin, accusé d'avoir pointé l'amour, le cœur plein de rustines, anti-michetonneuse à la ginger. J'suis pas Sam Rustin, chienne, Black Jardy Linger. Tire dans la cabesse, crash de tôle, j'm'arrache, j'suis François Besse. Sur tous les pôles, j'blesse, se trompe pas, même si la voix est familière. Trop de pompeurs, et dans la fourmilière, shoot. J'remonte la filière de Villy à Medellin. Tu reconnais le ton, toca. Des chants de coton, chants de coca, j'lâche des lignes. Sensé, j'ai du mal à mûrir, à danser. Tu trouves mon son dans les Fnac et les armures. Et on le sait, les plus belles roses poussent dans la merde. J'ai embarqué pour nulle part, avec l'intention de me perdre. Pour ma part, c'est pour ma zik qui te sectionne. Les veines au ciel, j'envoie mes prières. Et c'est le démon qui les réceptionne. Si bien en guise de coup, fin la révolte, j'suis pour. Cousin, j'me lave mes péchés dans des rivières pourpres. Des aidés sont mis hiver en poupe, c'est le vent pété. J'rappe, coupe la parole, c'est ghetto ST. AR, c'est dead si tu m'loupes. Splash pour les miens, mon groupe vient investir. Les ondes ARS, Benica, ils veulent tester. Lyrical, frappe, putain de chirurgical, destiné à rester. Dans la même catégorie, j'ai mis le flingue à la plume. Aussi vrai qu'on distingue mal mes gorilles dans la brume. J'viens me livrer, chanter au rythme, scotch, le désingue, l'assume. Une cuvée, 2005, tiens ma théorie, suivez le guide. Venez dans mes fringues, le temps accouplé. Écoute mon sling, mon argot, le fond accouplé. À la forme comme des narcos, j'écoule métaphore et punchline inculpé. Positif à l'alcool, test, c'était un slack. Sniff ce texte, ma dope, lyrical, braco. Tes bras se lèvent, c'est bif et sexe. Pouvoir toujours la même. Comme Marco, skiff, c'est sexe. Ça les expulse, change en macro. Dans ce biz, nos rimes arpentent le trottoir. Baisse des lois, Sarko, à la hauteur de l'attente. Assassin notoire, vive-moi. Le roi est mort, on a retrouvé la fève. Une brassos, depuis ils ont plaqué mon porte qui est des orfèvres, c'est le matos. Et du ciel j'attends un signe, Smirnoff dans le sang, Lino et Gay Boss. Ciel signe, je te fais une offre. Lègue-moi ton mic MC, que je règle l'addition, marque mon siècle. Et la partition, elle est pas claire, ma diction, je m'en branle. Je veux pas ton respect, je veux ton âme, ici c'est pas d'où tu viens. Mais où est ton arme, mec, on a eu le cadavre, mais toujours pas le mobile. Du crime arrache, sort de garde à vue, skik et tu cries, c'est Moby. Et le message passe quand on le martèle, mais le gilet, la foi, arrête pas les balles. Aussi fort soit-elle, mutilée, je me rassure en criant, ce monde c'est à moi, chante mes plaies. Amour et peur, nos douleurs si à moi, c'est l'heure ma prod sap. Ton moral, j'rappe, arrache le bandeau. De la justice et la transperce avec son propre sap. Arrache de nos lyrics et man, j'fixe mon texte, le taux de haine grimpe, Lino, ghetto patrimoine. Décidé en guise de coup, fin la révolte, j'suis pour. Cousin, j'me lave mes péchés dans des rivières pourpres. Des aidés sont mis hiver en poupe, c'est le vent pété. J'rappe, coupe la parole, c'est ghetto ST. AR, c'est dead si tu m'loupes. Splash pour les miens, mon groupe vient investir. Les ondes ARS, Benica, ils veulent tester. Les récals, frappe, putain de chirurgical, destiné à rester. Décidé en guise de coup, fin la révolte, j'suis pour. Cousin, j'me lave mes péchés dans des rivières pourpres. Des aidés sont mis hiver en poupe, c'est le vent pété. J'rappe, coupe la parole, c'est ghetto ST. AR, c'est dead si tu m'loupes. Splash pour les miens, mon groupe vient investir. Les ondes ARS, Benica, ils veulent tester. Les récals, frappe, putain de chirurgical, destiné à rester. Au top. En 2005, j't'emmène ailleurs, la rue le voulait, on l'a fait. 95-9-3 pour Mac Taylor et le Panafré. Écoute, patrimoine du ghetto, de double 07. Yeah, c'est ça.